franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, le destin d'une femme hors du commun, Maria Callas, à voix perdue. Quarante ans après sa mort, c'est étonnant, Maria Callas continue d'incarner la diva, celle qui chante les plus grands rôles de l'opéra, Tosca, La Traviata, Lucia di Lammermoor, Norma, avec les plus grands chefs et sur les plus grandes scènes du monde. Et diva, dans son sens plus vulgaire d'éternelle capricieuse, belle, flambeuse, jouant à cache-cache avec les paparazzi, imprévisible, capable d'annuler un opéra à la dernière minute. Maria Callas fut tout cela, mais elle fut bien autre chose. La Callas, c'est d'abord le mystère d'une voix, unique, étrange, à la fois brute et raffinée, somptueuse et anarchique, toujours dérangeante, qui, si aujourd'hui elle passe pour une référence absolue, la voix de Callas de son vivant fut méprisée, conspuée, une voix laide, disaient certains. Maria Callas est aussi une artiste, engagée de tout son corps et de toute son âme dans la musique et le théâtre, prête à tous les risques pour atteindre la perfection de son art, jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'incandescence, même en amour. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. René de Secati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, auteur de pièces de théâtre et biographe, l'auteur notamment d'une très belle biographie de Maria Callas chez Gallimard. C'est difficile, je sais, de parler d'une voix, toutes les voix sont uniques d'abord, mais comment vous décririez celle de Callas ? Je pense que c'est une voix plurielle, c'est-à-dire qu'elle a eu un répertoire tout à fait exceptionnel, qu'elle est du répertoire des sopranos coloratures, Lucia de Lammermoor ou les Puritains, enfin tout Donizetti, Bellini, tout ce répertoire-là, un répertoire extraordinairement dramatique, puisque elle a chanté Wagner également, ou le Trouvère, enfin, ou des rôles, disons, dramatiquement plus lourds. Alors, elle ne ressemble évidemment à aucune autre voix parce que elle est capable de faire des vocalises d'une très grande subtilité où elle fait pénétrer un dramatisme, ce qui est déjà une rareté, et elle interprète des rôles qui réclament non pas la beauté du son, mais de l'expression, le dramatisme. Et c'est ce mélange très insolite qui a fait la voix de Callas, qui a fait que, très souvent, on dit « ce n'est pas une belle voix ». D'ailleurs, quand Toscanini avait voulu l'engager... Le grand chef d'orchestre italien. A voulu l'engager, et qui était, lui, le chef de sa rivale, de Renata Tebaldi, a voulu l'engager et lui avait dit carrément « Je veux, pour Lady Macbeth de Verdi, je veux une voix qui ne soit pas belle. » Un rôle de méchante. Un rôle de méchante. Et il savait qu'elle était capable, elle, Maria Callas, de sacrifier la beauté du timbre pour l'expressivité. Ce qui ne voulait pas dire qu'elle avait un timbre laid, mais ça voulait dire qu'elle était capable d'utiliser dramatiquement son timbre. C'est en ça qu'elle est tout à fait exceptionnelle. C'est nouveau, une voix, une chanteuse qui interprète comme ça, qui fait du théâtre finalement, sur une scène d'opéra. Ce n'était pas si nouveau que ça. On a exagéré rétrospectivement la nouveauté de Callas parce qu'il y avait d'autres traits de caractère qui étaient très nouveaux en elle. Elle-même ne revendiquait pas la nouveauté. Elle était agacée d'ailleurs quand on faisait comme si elle était un phénomène totalement à part, alors qu'elle était profondément convaincue de servir la musique et de servir exactement la lettre des opéras qu'elle interprétait. Vous dites, René de Secati, qu'elle n'aimait pas qu'on dise d'elle qu'elle était un phénomène. D'ailleurs, c'était sûrement quelque chose qui remontait à l'enfance, puisqu'elle était une enfant surdouée. Elle avait une voix, tout de suite, ses parents... Donc, elle est née à New York, mais elle est d'origine grecque. Une famille un peu désargentée, qui tire le diable par la queue. Ses parents voient vite le profit qu'ils peuvent tirer de cette petite fille un peu boulotte, un peu maladroite, mais qui a une voix extraordinaire. Et ils vont voir en elle un peu un moyen aussi de subvenir à leurs besoins. Peut-être c'était aussi une aspiration, comme souvent de grands artistes ou des génies, l'aspiration d'une mère ou d'un père. Et dans le cas de Callas, le rapport à sa mère est très très important. Evangelia est donc une femme qui a voulu absolument construire la carrière de sa fille. Elle a suivi de près, et puis ça a été un déchirement constant entre elles à travers toute leur vie. Donc c'était une famille où la musique était au cœur des préoccupations, sans doute aussi parce qu'ils étaient dans une colonie grecque à New York où chanter était tout à fait naturel, et puis elle a participé à des radios crochets. Bon, tout ça venait aussi d'une ambition familiale, musicale. Donc elle retourne en Grèce, elle chante, elle fait ses débuts en 1942 à l'Opéra d'Athènes, mais c'est vraiment en 1947 qu'elle va devenir célèbre. C'est l'époque aussi où elle se marie avec Giovanni Battista Meneghini, un entrepreneur de Vérone, un monsieur qui a une certaine richesse, qui est fabricant de briques et qui a 27 ans de plus qu'elle. Quelle est cette relation? C'est aussi son agent, c'est étonnant cette relation. Quand elle débarque en Italie, en effet, elle rencontre très rapidement Meneghini, qui va accélérer une carrière qui est fulgurante. Il faut dire qu'elle va passer des arènes de Vérone à la Fenice et puis très rapidement à la Scala. Autrement dit, c'est un homme qui va lui faire entièrement confiance, qui était un mélomane, et qui va bien sûr la soutenir, et avec qui elle aura une relation amoureuse très très intense, comme en témoigne la correspondance qu'elle a eue avec lui et qui a été intégralement publiée. On voit que c'était un lien très fort. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant se situe en 1965, quand Maria Callas s'apprête à chanter Norma, le célèbre opéra de Bellini, le rôle fétiche de son répertoire, à l'Opéra de Paris. Elle a 42 ans, elle a divorcé quelques années plus tôt de Meneghini pour vivre une idylle avec l'armateur grec milliardaire Aristote Onassis. Mais à ce moment-là, elle doute de sa voix et aussi de l'homme qu'elle aime. René Tsekati, nous retrouvons, si vous voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Maria Callas, sa voix perdue. Un texte original de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation Hélène Bisio. Norma, suis-je encore capable de la chanter ? Je la connais si bien, je l'ai chantée si souvent. Mais aujourd'hui, ma voix, tout est important dans Norma. La netteté des attaques, la perfection du legato et le jeu, les demi-teintes, l'autorité, la douceur. Non, c'est une folie. Et à l'Opéra de Paris, qu'est-ce qui va m'arriver ? Dieu m'assiste. J'ai du mal à respirer. Ça va passer. Tout passe, non? Ô Santa Maria, je t'en prie, aide-moi. Est-ce que je vais pouvoir chanter ce soir? Le printemps est si frais à Paris, après la douceur de Rome. Fini. La prima donna assoluta. Et le public qui ne sait pas. Mais Paris est amoureux de moi. Oui, Paris m'aime. Sa chaleur est dans mon cœur. Paris m'appelle la divine. Il va me rendre forte, m'obliger à me surpasser. Ce que c'est que l'amour, et mon amour à moi, sera-t-il dans la salle ce soir? Cela me donnerait tant de force. Les chanteurs commencent à arriver. Quelle heure est-il? 19h déjà. Plus qu'une heure et demie. Une heure et demie avant le lever de rideau. Coifferai bien ce soir et ma fête jolie. 29 mai 1965. Dans sa loge de l'Opéra Garnier, Maria Callas se prépare pour la dernière d'une série de trois représentations exceptionnelles de Norma sous la direction de Georges Prêtre. C'est l'événement culturel de l'année. La petite fille pauvre, l'immigrée grecque dont les parents ont fui la misère aux États-Unis, est devenue une star mondiale. Elle est l'unique soprano assoluto, c'est-à-dire qu'elle peut tout chanter du répertoire des sopranos, du mezzo-soprano dans les graves au soprano coloratour dans les aigus. Grâce à elle et à l'apparition du micro-sillon dans les années 50, le bel canto est redevenu populaire. Mais en 1965, cette voix que le monde entier, de Tokyo à Berlin, de New York à Milan, écoute les yeux fermés sur son électrophone, voilà plusieurs années qu'elle donne des signes de faiblesse. Dans sa loge de l'Opéra Garnier, au lambris de bois sombre que rehausse le rouge lustré du velours des fauteuils, Maria Callas, devant le miroir de sa coiffeuse, retouche le maquillage de ses yeux d'un long trait noir. Elle est envahie par le doute. Viendra-t-il ce soir ? Il est un peu distant en ce moment. Je sais pas. Je suis trop exigeante, peut-être. Depuis ce matin, je me sens agitée comme si j'avais peur de quelque chose. J'ai chauffé ma voix, tout va bien de ce côté-là. Mais on ne sait jamais. J'ai peur depuis Rome. Oui, depuis ce soir de 1958. Je n'avais plus de voix. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? J'étais terrorisée. Alors j'ai renoncé pour ne pas faire honte à mon art. Ça, personne ne l'a compris. On a parlé d'un caprice de diva. Mais Dieu veille sur moi. Et il a mis Aristote sur mon chemin cette année-là. Le plus beau cadeau du ciel. Ce qui sera là ce soir, c'est la dernière à Paris. Pour la première, il était à New York. Le lendemain, retardé à Buenos Aires. Et ce soir, il me l'a presque promis. N'importe quelle bêtise, une chanson, une couleur, une paire de lunettes de soleil, tout me ramène à lui. Elle est là. Son orchidée. Il a envoyé une fleur. Est-ce que cela veut dire qu'il ne viendra pas ? Ah, il y a une carte. À ma chère diva, souviens-toi de Venise. Si je m'en souviens, comment pourrais-je oublier ? Cela vous a amusé ? Est-ce que vous dînez toujours comme cela ? Comment ça ? Les yeux bandés d'une serviette de table. C'était juste pour vous faire rire. Et à présent, il n'y a que deux possibilités. Ou j'ai été ridicule, ou je vous ai charmé. Vous ne riez pas souvent, je me trompe ? Ce soir, je vais rattraper tout le temps perdu. Je vous ai entendu tout à l'heure. Maria Callas chante le blues. Vous fermiez les yeux en souriant. Je suis heureuse. Je ne sais pas. C'est la douceur de la nuit à Venise. Le silence. Le silence de Venise. Personne n'en parle jamais. Écoutez. Les cloches du campanile de San Marco. Restons un peu sans parler, voulez-vous ? Sans parler. Maria Callas et Aristote Onassis viennent de se rencontrer à un bal organisé à Venise par une amie. Ils ne se quitteront pas de la soirée. Aristote Onassis est grec, né à Smyrne. Après la guerre avec les nationalistes turcs qui tuent 3 membres de sa famille, Aristote a fui en Argentine. Arrivé à Buenos Aires avec 60 dollars en poche, il s'impose dans l'import-export de tabac turc. Il va prospérer grâce au transport maritime pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les conflits en Éthiopie, en Espagne, en Corée et Indochine. Avec sa femme Tina, issue d'une grande famille d'armateurs, il a 2 enfants, Alexandre et Christina. À l'époque où il rencontre Maria Callas, Aristote Onassis dirige une flotte de pétroliers supertankers et une compagnie aérienne. Mais ce soir, Aristote ne pense pas à ses affaires. À l'écart du salon d'apparat où tout resplendit, sur le balcon de l'hôtel Danieli qui donne sur la lagune, seul brille à ses yeux le sourire radieux de Maria Callas. Vous m'avez regardé toute la soirée, vous ne me quittez pas des yeux, c'est comme si... Pardonnez-moi, je ne peux pas m'en empêcher. Il m'est impossible de détourner les yeux. Regardez là-bas, de l'autre côté de la lagune. San Giorgio Maggiore, son dôme est rose, comme du corail. Ils sont acquis, ces petits chiens ridicules qui vous suivent tout le temps. Ridicules ? Ce sont mes chiens. Pardonnez-moi. Dites-moi, quelle est votre fleur préférée ? Je veux me faire pardonner. L'orchidée. Vous les trouvez ridicules ? Je les invite sur mon bateau en croisière, qu'en dites-vous ? Et vous pourrez même venir avec eux. Une croisière ? Mais j'ai pas le temps pour les vacances, moi. Nous sommes grecs, ma chère, et la Grèce nous manque. Moi, elle me manque. Dès que j'ai un peu de temps, je vais naviguer en mer Égée. Vous êtes grec, c'est vrai. On ne vous l'a pas dit ? Nous sommes des Grecs que la pauvreté a obligés à immigrer. Je vous croyais américain. Je suis née à New York. Je n'ai jamais rencontré une Grecque qui... C'est très fort ce qui nous unit, non ? Jamais aucune femme... Je dois rentrer maintenant. On va me chercher. Vous dormez à Venise, n'est-ce pas ? Oui, au Balione. Demain, j'enverrai un bateau vous chercher. Nous irons pique-niquer au Lido. Ou alors, vous préférez l'île de Burano? Nous irons manger du poisson. Ouais, ouais, à demain. Ils se sont revus le lendemain et les jours suivants, puis encore en avril. Maria venait de chanter Médée à Covent Garden. Aristote a organisé une fête en son honneur. 5000 invités dans l'un des plus grands hôtels de Londres qu'il a fait entièrement décorer de roses rouges. De nouveau, il a invité Maria et son mari pour une croisière sur son bateau. On fera escale dans les îles grecques. Winston Churchill sera de la partie. C'est un vieil ami et peut-être même Greta Garbo. Maria accepte. En revenant à l'hôtel, elle comprend que son mari, Giovanni Meneghini, n'y tient pas. Il se méfie de ce milieu de la jet set, un culte et parvenu, si éloigné de la musique. Il s'inquiète aussi de ce qu'il pressent quand il voit comment Maria est différente en présence d'Aristote. Finalement, ils acceptent. En août 1959, elle embarque avec son mari sur le Christina, le yacht d'Onassis. Dans la journée, Aristote est le plus souvent en ligne sur le radiotéléphone de bord ou par téléx, traitant des affaires avec les plus grands ports du monde, spéculant sur la rapidité des traversées. Le soir, le téléphone se tait et Aristote est de nouveau en vacances. À présent, la nuit est déjà bien avancée. Les invités sont descendus se coucher. Aristote et Maria sont seuls sur le pont, sans allumer, dans la nuit grecque si claire. Il fait le pitre, comme à Venise. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être Aristote Onassis, ce clown. Il fait le pitre pour oublier ses peines. Ou ses peines, le pauvre petit. Pour vous, Maria Callas, la divine, pour Norma, pour Tosca, vous voir rire, c'est mon plus grand bonheur. Tendez-moi votre main. J'ai l'impression qu'enfant, vous ne quittiez jamais Athènes. Je me trompe? C'est vrai, je ne connais pas les îles. On ne partait jamais en vacances. Et vous me faites les honneurs de mon propre pays. Ces criques désertes, la mer, ces villages blancs étincelants de soleil. Quelle beauté. Je m'imaginais. Vous frissonnez. Voulez-vous rentrer à l'intérieur? Non, on est bien ici. Ce bateau est un palace flottant. Dépassé un certain point, l'argent n'a plus aucun sens. Il cesse d'être un but. C'est le jeu qui compte. Un collectionneur. Voilà ce que vous êtes. Possédé, encore possédé. C'est ce que donne l'argent, le pouvoir d'accumuler. Et nous savons tous deux le prix de l'argent. Nous qui en avons tant manqué. Mais vous, Maria, vous possédez ce que rien n'achète. L'art. J'ai connu le mépris, j'ai suscité la crainte. Je suis en état de guerre permanent. Moi aussi, j'aimerais un peu de repos. Accepter tous les défis, c'est dur et dangereux. Pour moi, je remercie le bon Dieu de m'avoir récompensé. Et de m'avoir donné un bon estomac pour digérer les coups bas. Vous voulez parler de ce qui s'est passé à Rome l'an dernier ? Ceux qui disent que ma voix est barbare, que je suis trop théâtrale et que je fais des caprices, tous attendaient ma défaillance. Ils ont été comblés. Veuillez m'excuser. Je dois m'absenter quelques instants. Mon mari, vous comprenez ? Vous reviendrez ? Le mari de Maria Callas, Giovanni Battista Meneghini, est de 27 ans son aîné. Ils viennent de fêter leur 10e anniversaire de mariage. Il est aussi son agent. On navigue depuis quelques jours. Souffrant, il quitte peu sa cabine. Ce qu'il craignait en s'opposant à cette croisière est en train de se réaliser. Ce 6 août 1959, le bateau a fait escale à la presqu'île du mont Athos, au bord de la mer Égée. Dans l'après-midi, tous les invités qui le voulaient sont montés jusqu'au monastère. Le patriarche orthodoxe a accueilli ceux qu'il a appelés la plus grande chanteuse du monde et le nouvel Ulysse, les Grecs les plus célèbres du monde. Puis, il les a fait s'agenouiller et leur a donné sa bénédiction. Et leur histoire va vraiment commencer ce soir. Il a 53 ans, elle en a 33. Le bateau, amarré dans une crique, balance doucement sous la brise. Va-t-elle revenir, comme l'espère Onassis ? Le soleil se couche majestueusement à l'horizon. Voilà. Comment va votre mari ? Bien. Il va bien. Il a pu se reposer pendant l'escale aujourd'hui. Je me disais qu'on fait la part des choses avec le temps. On n'est plus mesuré. Oh non, non, il faut rester passionné. Moi, je crois que servir l'art est ce qu'on peut faire de meilleur ici-bas. Oh, nous sommes bien sérieux tout à coup. C'était si drôle, cette excursion à dos de mulet ce matin. Comment appelez-vous cet endroit ? Le mont Athos. Oui, c'était drôle quand le patriarche a dit... Il nous a donné sa bénédiction, Aristote. Vous trouvez ça drôle? Non, seulement quand il a dit la plus grande chanteuse du monde, le nouvel Ulysse. Mais vous êtes bouleversée, Maria. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, je vois tes yeux briller comme si tu étais complètement perdue. Il nous a bénis, Aristote, ensemble. Tu comprends ce que cela signifie? Moi, je pensais que nous avions ressenti la même chose. Il nous a bénis. C'est un signe du destin. Oh oui. Oh, comme je suis heureux, Maria. Oui, il nous a bénis et... Il a uni nos deux destinées, Aristote. Et comme je suis heureuse à cet instant, je ne savais pas que je pouvais être heureuse sans la musique. Oh, Maria, tu seras à moi, dis. Partout où tu n'es pas, rien n'est beau. Tu portes la beauté en toi, Maria. Tu la répands autour de toi. Mais moi, je suis un voyou. Sais-tu bien que ce sont les guerres qui m'ont enrichi? Je suis quelqu'un de cruel. Je suis l'être le plus révoltant sur la terre. Mais je ne renoncerai jamais à toi. Je t'arracherai à n'importe qui, par n'importe quel moyen, en envoyant au diable les gens, les choses, les contrats, les conventions. Les malheureux, ce sera nous. Oh, Aristote, tout le monde va s'en prendre à nous. Mais quelle joie, quelle joie! Regarde, le soleil vient de disparaître sur la mer Égée. Oh, Maria. Au retour de la croisière, Maria Callas quitte son mari et divorce. Aristote aussi. C'était il y a 7 ans. Depuis, quand on leur parle de mariage, cela les fait rire. Mais ce 29 mai 1965, dans sa loge de l'Opéra de Paris, Maria Callas se dit qu'elle ne peut pas ignorer qu'elle voit moins souvent Aristote, toujours pris par ses affaires aux États-Unis ou en Amérique latine. Dans les couloirs de l'opéra, les allées et venues pour les derniers préparatifs se font plus pressants. Les chœurs et les figurants sont nombreux dans Norma. Il est à peine 19h30. Soudain, Maria enfouit son visage dans l'hermine blanche de sa pelisse. Je me souviens de chaque mot que nous avons échangé cette nuit-là. Comme j'étais heureuse. Et le sourire d'Harry à ce moment-là. Mais c'est le bonheur qui donne de la force. Aujourd'hui, j'ai tellement de doutes. Je doute de lui. Est-ce qu'il m'est fidèle? Est-ce qu'il m'aime? Et ma voix? Est-ce que je vais... Le thé est encore chaud, Dieu merci. Si la Thébaldi déclare forfait au Métropolitain, tout le monde comprend parfaitement. C'est humain. Mais la Callas qui se récuse, c'est un caprice insupportable. Après Rome, on me disait « tu devrais t'expliquer ». Et je leur ai tout donné. Je ne peux pas pleurer bêtement. Je vais l'appeler. Hier, il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à me dire, je l'ai senti. Je voudrais tant être en Grèce. Est-ce que j'ai fait du mal? L'amour d'Aristote, je ne l'ai pas cherché. C'est le destin, j'ai repris ma liberté. Dieu aussi peut reprendre, à tout instant, reprendre le don qu'il a fait, la musique, l'amour. Si je ne pouvais plus chanter. Jamais. Santa Maria. Encore une fois. Prego. Allô? J'allais t'appeler. Je me disais, tu sais, comme je voudrais être sur notre île. Non, non, pas aujourd'hui. Il ne pleut plus, Dieu merci. Et toi? Allô? Où es-tu? Tu seras dans la salle ce soir? Je te pardonne. Harry, prends soin de toi pour moi. Je fais des efforts terribles, tu sais. Non, mes nerfs ne lâcheront pas, je suis forte. Je voudrais que tu sois là. Avant, t'étais toujours là. Allô? Quoi? Je dirais que je suis la femme la plus heureuse de la terre. Je dirais que je suis la femme... Quoi? Quoi? Oh, mon amour. J'ai tellement envie d'être en Grèce avec toi. Oui, je vais la chanter, cette Norma. J'espère que... Je ferai de mon mieux. Tu seras fière de moi. Oui, oui, on se rappelle. À ce soir. Oh mon Dieu, quelle joie. La Grèce, après-demain. Là-bas, nous nous retrouverons. Il me dira ce qui le retient loin de moi. Il m'aime. Presque 20 heures, déjà. Bruna ? Il faut que j'y arrive. Bruna ! Bruna ! Je vais être en retard ! Il faut qu'elle m'aide à refaire les plis de ma robe. Bruna ! Norma est l'un des rôles fétiches de Maria Callas. Elle l'a appris à 25 ans, en 7 semaines seulement. Au fil des années, devant les défaillances de sa voix, elle a arrêté de chanter Madame Butterfly, Aïda ou Rigoletto. À partir de 1964, quand elle a eu retrouvé un second souffle, c'est Norma qu'elle a le plus chanté. Elle sait que ce rôle exige tout d'une cantatrice. La maîtrise du souffle, une technique parfaite, un jeu dramatique intense. Bellini, qui l'a écrit, dit que cet opéra doit faire couler des larmes. Et elle l'aura chanté 89 fois dans toute sa carrière. L'histoire de cette prêtresse gauloise qui a pour amant le proconsul romain occupant de la Gaule et qui à la fin monte au bûcher avec lui, par amour, alors qu'il l'a trahie avec la jeune Adalgisa. En pleine gloire ou à des moments plus critiques, Norma et Maria Callas ont toujours réussi à se fondre. Norma lui est intime. Ce soir du 29 mai 1965, alors que Maria Callas, dans sa loge, ajuste la robe blanche de Norma, la prêtresse, dans la salle, les spectateurs rejoignent leur place, impatients. C'est bien. Ils m'ont promis de faire une annonce avant le lever de rideau. Que je chanterai, mais que je suis souffrante. Le public sera indulgent si ce n'est pas parfait. Encore un quart d'heure. Voyons mes cheveux. C'est vraiment bien ce qui m'a fait, ce petit. Je vais chanter Norma. Peut-être pour la dernière fois. Un peu de poudre sur le cou. Ma voix. J'ai l'impression qu'elle n'est plus là. L'ai-je brûlée à force de travail? J'y arriverai pas. Si au moins Giulietta était là. Mais elle a dû partir. Nous chantons Norma ensemble depuis si longtemps, bien avant que la Callas ne soit la Callas. Quand on a une amie sur scène, un seul regard et je suis réconfortée. Je serai seule ce soir. C'est ma responsabilité. J'arrive plus à respirer. Je viens! Je viens. Il y a longtemps, mon seul souhait avant d'entrer en scène était de chanter toujours mieux que je ne l'avais fait auparavant. Ce soir, j'espère seulement me tirer d'affaire. Je trahis mon art. Cet art que je dois servir. Allons. Allons. Norma. Prends-moi. Change-moi. Fais-moi oublier tous mes doutes. Et donne-moi ton chant. Ah, j'y arriverai pas. Il le faut. Je le dois. Maria Callas refait le pli de ses voiles sur sa robe et revêt le manteau de velours rouge bordé d'or de Norma. Elle mesure plus d'1,70 m et c'est en reine qu'elle sort de sa loge. En parcourant les longs couloirs de l'Opéra Garnier, elle pense à Georges Auric, le directeur qui l'a invité, et à Georges Prêtre, le chef d'orchestre, son ami. Plus tard, il dira que chaque fois qu'il monte au pupitre, c'est à Maria Callas qu'il pense, qu'il a l'impression qu'elle est là, qu'elle l'écoute. Elle savait si bien écouter, dira-t-il. Devant une salle comble, Georges Prêtre tend les bras et sur son geste, l'orchestre entame l'ouverture de Norma. En coulisses, on retient son souffle. Sur les passerelles de service, les machinistes sont à leur poste, prêts à manœuvrer rapidement les changements de décor. Dans les cintres, les techniciens, immobile derrière les projecteurs, s'apprête à suivre les mouvements des chanteurs sur la scène. Partout, il y a des échelles, des grilles où sont suspendus les costumes et un panneau, défense de fumée sur le plateau. C'est là que Maria Callas attend son entrée en scène. Le chœur commence et chante « Norma viene ». Norma vient. Le chœur l'appelle pour sa grande prière à la chaste déesse, la Casta Diva. Ne regarde pas le vide. Trou noir de la salle. Non, seulement la fosse d'orchestre, le bon regard amical de Georges. Ça recommence, j'ai peur. Ma gorge se noue, comment vais-je pouvoir aller au bout? C'est le courage qui me manque et je suis seule responsable. Norma viene. Comme si le cœur m'appelait désespérément ce soir. Norma vient. Je viens. Je viens. Casta Diva, chaste déesse, donne-moi la force de vaincre. Donne-moi ma voix, ô déesse. Pourquoi avais-je peur? Et comme il est gentil, ce petit régisseur. Quand je suis sortie à la fin de l'acte, tous les machinistes étaient là en coulisses. Ils ont applaudi à mon passage. Ça me donne du courage. Et le public. Une fois encore, je les ai tenus à la pointe de ma voix. Quelle joie! Merci, mon Dieu. J'y suis arrivée, je sais comment y arriver. Mesdames, Madame Maria Callas a pu surmonter un malaise et une grave détresse. Elle est dans l'impossibilité absolue de terminer cette représentation. Elle en est profondément bouleversée et nous vous demandons, avec nous, de l'excuser. Pardonnez-moi, je reviendrai. Je reviendrai gagner votre pardon. Mais aujourd'hui, je sens que je ne pourrai pas. Je ne peux plus. J'abandonne. Laissez-moi me taire. Ho dato tutto a te. Maria a renoncé. J'ai bien senti au téléphone que quelque chose n'allait pas. J'ai même cru qu'elle savait pour... Oh, Paris aime passionnément Callas, il pardonnera. Il sera triste, il fera silence. A-t-elle décidé de venir me rejoindre malgré tout? Faudra bien que je lui parle. L'Empire. Mon Empire. Les tableaux, les yachts, les villas sur la Méditerranée. J'avais tout et je me suis offert une prima donna. Je l'ai ébloui, piégé, c'est ce qu'elle me dit en riant. Oui, je l'ai aimé. Oui, sa tendresse désespérée m'a ému aux larmes. Oui, quand elle a commencé à perdre sa voix, j'ai désiré qu'elle soit tout à moi et seulement à moi. Et puis, il y avait d'autres femmes. À présent, il y a une autre femme. Est-ce que j'aime Jackie? Peut-être qu'avec elle, je me venge des États-Unis qui m'ont toujours traité comme un gangster. Il n'y a que l'orgueil qui me gouverne. Maria a perdu sa voix. Il va falloir que je lui dise qu'elle m'a perdu, moi aussi. J'espérais que ses triomphes adouciraient sa peine. Est-ce que je l'aime encore? En Grèce, ce sera plus facile qu'à Paris. Il n'y a que là que Maria est heureuse. Que vais-je lui dire? Que nous étions tous deux passionnément liés par l'amour, deux petits Grecs pauvres devenus riches et qui ne voulaient pas partager, et que j'en aime une autre. Quelques jours après l'échec à l'Opéra de Paris, Maria Callas est en Grèce. Elle se repose à Skorpios, une île qui appartient à Aristote Onassis. En 1965, tous les regards sont tournés vers les États-Unis qui viennent de bombarder le Vietnam sur décision du président Johnson. Il assure la présidence américaine depuis l'assassinat de John Kennedy en 1963. Sa veuve, Jacqueline Kennedy, est très convoitée. C'est finalement un riche armateur grec qui a sa préférence, Aristote Onassis. Jackie Kennedy est venue à Athènes dès l'été 64 pour une croisière sur son yacht. Des photos ont alors paru dans la presse. Maria Callas les a vues. Aristote ne lui en a pas parlé. Alors, la vie a continué comme avant, en apparence. Ce soir de juin 1965, l'île de Skorpios est pleine de parfums d'été. Sous les cyprès de la terrasse, Maria et Aristote viennent de finir de dîner. Et construire un navire de 20 000 tonnes. Voilà ce que je veux. Je comprends. Ne faut pas être un génie pour comprendre que plus le véhicule est grand, plus le coût de transport est bas. Maria, t'es bien la seule femme qui ne bâille pas quand je lui parle de mes affaires. Moi qui aurais voulu que notre aventure soit une idylle. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il n'y a qu'avec toi que je peux manger avec les doigts. Comme un paysan béotien. Une belle complicité tout au plus. Parce que nous sommes tous les deux des exilés devenus des rois. Mais ce n'est pas l'amour, Aristote. Il n'y a plus d'eau ? Mais bois du vin, du soda. Je ne bois pas d'alcool, tu sais bien. Et du soda, que du sucre. Comme tu ris. Tu nages, tu manges, ta tension s'est stabilisée. Tu es belle, Maria. Tu ne me mens pas, Aristote. Cette histoire avec Jackie Kennedy. Ne pense pas que je t'ai oublié ou que je t'oublierai. C'est fini. Dis-moi que c'est fini avec elle. Tais-toi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches ? Mais comment un homme peut-il être si cruel, si, je sais pas, si fou ? Je n'ai pas de rancune contre toi, j'ai de la souffrance. Maria, Maria, tu sais bien que tu te soucies plus de ton art que de rien d'autre au monde. Oui, je te suis infidèle en amour, mais toi, c'est ton âme qui m'a toujours été infidèle. Combien de fois est-ce que tu m'as dit, quand je ne travaille pas, je m'ennuie ? Je ne serai pas Callas sans la musique. Je n'ai pas à choisir entre chanter ou t'aimer, ce serait désespéré. J'ai l'impression qu'en moi, tout me fait mal. Mon amour, ma voix. Essaye de voir la lumière et pas seulement ce qu'il y a de sombre dans le moment. Tu vas chanter à Covent Garden dans une semaine, c'est formidable. Oui, et je n'ai plus un filet de voix. Dis-moi ce que je dois faire. Je connais rien de l'opéra, tu le sais bien. Je suis inculte et insensible. Il n'y a rien à savoir. L'art, c'est la vie. Savoir ne sert à rien pour ressentir. Dis-moi. Mais bien sûr, tu dois chanter. Tu es la Callas. Londres t'attend. Que dit ton médecin ? Que c'est une folie après ce qui s'est passé à Paris. Aristote, est-ce que je dois accepter d'avoir perdu ma voix ? Ou est-ce que j'attends que quelqu'un me pousse à reprendre le travail ? Je ne suis pas celui-là, tu le sais. Je te dis simplement que tu es la meilleure chanteuse de ce siècle. Si j'accepte de chanter, et qu'après 5 ou 6 notes, ça se brise. Tu crois vraiment que le public l'entend ? Tu crois qu'il t'aime à cause de 5 ou 6 notes réussies ? Je les ai vus te faire des triomphes. C'est toi, Maria Callas, qu'ils aiment. Oui, le public m'applaudit, mais je sais, moi, que je pourrais avoir fait mieux. Tu me manques beaucoup. Beaucoup trop. Je vais accepter de chanter à Covent Garden, mais je ne chanterai qu'une seule fois. Je dois les rendre heureux. Moi, qui me rends heureuse. Je reste toute seule avec ma gloire. Mes sentiments ne comptent pour rien. Partout où tu n'es pas, rien n'est beau. Ah oui, tu me disais cela. Je m'en souviens. Cette première nuit avec toi. Pourquoi tu me laisses si seule ? Je mange seule. Je suis seule dans la rue. Je dors seule. Tu chanteras. Encore et encore retrouver ce qui est perdu. Tu crois ? Oui, tu as raison, il faut prendre les décisions les plus dures si c'est là le prix pour être en accord avec soi-même. Je travaillerai et je retrouverai ma voix. Elle ne la retrouvera pas. En 1968, Aristote Onassis épouse Jackie Kennedy. Quand on interrogeait Maria Callas sur ce mariage, elle restait évasive et philosophe. Tout cela ne dépendait pas d'elle. Ces années-là, sa voix perd du volume, sa tessiture est plus limitée. Elle fait d'autres expériences. En 1969, elle accepte d'être Médée dans le film de Pasolini. Il se lie d'amitié. Puis ce sera les masterclass aux étudiants d'art lyrique de la Juilliard School à New York. 2 années durant, elle y enseigne avec passion. Pendant des heures, elle explique sa science du travail vocal, tout en faisant souvent rire la salle par ses plaisanteries. Parfois, pour donner l'exemple, elle chante quelques secondes. Un frisson parcourt la salle. Transmettre est le devoir qu'elle se donnera pour continuer de servir son art, puisque sa voix l'a quittée, mettant un terme à la plus passionnante aventure vocale qui ait jamais été. Oh oui, je l'ai aimé. J'ai pris le bonheur quand il est passé. Je n'ai rien à regretter. Ma voix est mon royaume. Enfant grecque et américaine, italienne par mon mariage. J'habite à Paris. Mais ma maison, c'est l'opéra. C'est là que j'ai mené mes combats. Je suis Norma, la guerrière sacrée. J'ai développé ma voix. Il n'y avait pas de limite. C'était si exaltant. Ce que je voulais être. Rien. Servir l'art. Travailler 20 heures par jour. Il faut du travail pour arriver à l'acclamation. Sur scène, c'est une drôle de chose qu'on sent. C'est comme prendre tout le théâtre à l'intérieur de soi. Je sentais le public arrêter de respirer quand je chantais un passage difficile. Tout, l'effort du travail, les peines du découragement, tout est oublié quand on voit que le public reçoit ce qu'on lui donne. Oui, c'est le meilleur moment. Je ne me sens aimée que lorsque je chante. Maria Callas à voix perdue de Christine Spianti avec, dans le rôle de Maria Callas, Sullyan Brahim et dans celui d'Aristote Onassis, Michel Vuillermoz, tous les deux de la Comédie Française. Prise de son et mixage, Lucas Vaillant, Jean-Philippe Jeanne et David Federman. Programmation musicale, Djoubaka. Réalisation, Hélène Bisio, assistée de Christiane Alain Favre. Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Thank you. Casta Diva dans Norma, l'opéra de Bellini, chanté ici par Maria Callas en 1958 avec l'orchestre de l'ORTF, dirigé par Georges Prêtre. René Tsikati, c'est vrai que Maria Callas avait un attachement particulier pour ce rôle de Norma? Oui, c'était son rôle. Elle le disait, c'était la personnalité qui correspondait le mieux à la sienne, à la fois musicalement et dramatiquement. Je pense que Maria Callas avait un rapport aussi au sacré qui était très fort. Et même si peut-être c'était pas elle-même n'avait peut-être pas la voix idéale pour chanter Norma, mais en tous les cas, c'était ce qui réunissait pour elle à la fois le bel canto, qui était ce pourquoi elle aurait aimé vraiment faire entièrement sa carrière, et les rôles dramatiques qui ont été plutôt créés, composés par Verdi. Norma, c'est aussi l'histoire d'une femme qui se sacrifie pour l'homme qu'elle aime. C'est un peu terrible. Est-ce qu'elle s'identifiait à ce type de femme? Oui. Je pense qu'elle avait une vision sacrificielle à la fois de son art, bien sûr, et de sa vie personnelle. Alors nous avons tenté de restituer ce que Maria Callas a pu penser ce soir du 29 mai 65 dans sa loge de l'Opéra de Paris. Elle a 42 ans, doit chanter pour la énième fois Norma, elle doute de sa voix. À quel moment, René Tsikatis, sa voix a-t-elle donné des signes de faiblesse et pour quelles raisons? Je pense très tôt dans sa carrière, parce que elle avait commencé sa carrière très très jeune, c'est-à-dire qu'elle a commencé à chanter à 15 ans. Cavalleria Rusticana, elle avait 15 ans et elle chantait Fidelio à Athènes dans les années 40, donc elle avait même pas 20 ans. Aucune chanteuse ne ferait une carrière pareille. Maintenant, quand elle commence à être vraiment connue en arrivant en Italie, elle chante la Gioconda de Ponchielli, mais immédiatement après, elle chante Tristan et Iseult et La Valkyrie, Turandot de Puccini, qui sont des rôles absolument écrasants, mais probablement, il y a eu le fait qu'elle ait maigri. Bon, tout le monde sait qu'elle a... Oui, c'est étonnant, cette métamorphose, c'était le vilain petit canard, elle était grande, mais elle était boulotte, un peu maladroite, et elle est devenue une sorte de mannequin, une magnifique. Une sorte de sylphide, même quand elle chante La Vestale avec Visconti, c'est-à-dire en 1954. En un an, elle a perdu pratiquement 50 kilos, c'est-à-dire que c'est absolument monstrueux, la cèse à laquelle elle s'est soumise. Donc il y a ça, et il y a bien sûr sa fragilité psychique, parce que elle voulait plaire, et puis elle a commencé à perdre la tête aussi, disons-le clairement, où elle a voulu rivaliser avec des stars de cinéma, avec un tout autre univers, et s'introduire dans une jet society qui n'était pas du tout faite pour elle. Oui, en 1959, donc c'est là qu'elle rencontre Onassis, commence cette histoire qui va durer très longtemps, mais presque jusqu'à la mort d'Onassis d'ailleurs. Dans votre livre, vous êtes très sévère, René Tsikati, pour cet homme. Vous le rendez un peu responsable aussi de sa chute, comment dire. Oui, bien sûr qu'il y avait une question strictement physiologique et technique, probablement, dans les difficultés qu'avait rencontrées Maria Callas vocalement, mais je pense que aussi, au fond, elle était près d'un homme pour lequel son art n'avait absolument aucune signification. Beaucoup de témoins ont raconté une médée auquel ils ont assisté aux côtés de Onassis à Épidaure, où il s'ennuyait, il riait, il ironisait, alors que sa femme était sur scène et vivait une chose tout à fait unique. Donc, je pense que vivre près de quelqu'un pour lequel l'art auquel on travaille n'a absolument aucun sens, c'est terriblement dangereux, psychologiquement et bien sûr même techniquement. Oui, on a entendu Maria Callas raconter que le patriarche orthodoxe sur le mont Athos bénit Onassis et elle. Et pour elle, c'est un signe très important, une sorte de signe des dieux. Et lui, il a l'air de se moquer un peu de ça. Alors que pour elle, c'est un signe du destin. Est-ce qu'elle n'est pas un peu une forme de naïveté? Est-ce qu'elle ne s'identifie pas un peu trop au personnage en tout cas, est-ce que ce n'est pas une souffrance pour elle de s'identifier au personnage qu'elle interprète sur scène? Oui, elle devait être persuadée d'avoir un destin bien sûr hors du commun et d'être en osmose, en empathie avec les personnages qu'elle interprétait. C'est la raison pour laquelle elle était aussi frappante quand elle chantait la Traviata ou quand elle chantait la Tosca, des rôles qui sont extrêmement dramatiques. Et probablement, elle avait un rapport avec une spiritualité, une exigence de spiritualité, ce qui a permis une rencontre aussi improbable que sa rencontre avec Pasolini, par exemple. Oui, le grand écrivain et cinéaste italien. Ouais. Quand Pasolini l'engage pour faire Médée, elle va d'ailleurs avec une certaine naïveté, que aussi d'autres témoins ont raconté, elle va tomber amoureuse de Pasolini qui était homosexuel, alors que... Aujourd'hui, 5 mars, c'est l'anniversaire de Pasolini. C'est l'anniversaire de sa naissance, oui. Donc, c'est particulièrement émouvant parce qu'il y avait, au fond, une forme de naïveté aussi et d'idéalisme chez Callas, jusque dans des rapports qui auraient dû rester professionnels et qui deviennent très vite passionnels avec elle. Est-ce vrai qu'elle a eu un enfant avec Onassis qui serait mort le jour même de sa naissance, en 1960? Il y a eu toutes sortes de chercheurs qui ont estimé, on a même le nom de ce garçon qui s'appelait Homero, mais il n'y a en fait aucune preuve qu'elle était la mère. Ce qui est certain, c'est qu'au moment de sa possible grossesse, en effet, elle a arrêté sa carrière. Il y a eu quelques mois où elle n'a pas paru sur scène. Donc, il y a une interview avec une journaliste française qui laisse entendre, en effet, qu'elle aurait effectivement accouché d'un enfant mort-né. En 1960. Donc, Maria Callas mourra le 16 septembre 1977 dans la solitude à Paris. S'est-elle suicidée ? Écoutez, en plus, elle venait de faire une tournée terrible avec Giuseppe Di Stefano, avec une voix qui n'était plus la sienne. Elle est morte officiellement d'une crise cardiaque. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué cette crise cardiaque? Le seul témoin était les personnes qui travaillaient à son service, Bruna, sa servante, et puis un homme qui était son chauffeur. Et il se peut qu'ils aient gardé le silence. Merci beaucoup René de Secchetti. Je conseille vivement la lecture de votre biographie Maria Callas, publiée chez Gallimard et disponible en collection Folio. Vous venez également de publier Enfance, dernier chapitre, également chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcaster bien sûr sur notre site franceinter.fr. J'attends également vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre artiste célèbre et mystérieuse du cinéma, cette fois Greta Garbo. Lors de son arrivée à Hollywood, l'actrice suédoise fait la rencontre du comédien alors le plus célèbre des studios MGM, John Gilbert, avec qui elle va vivre une idylle. Mais alors que le cinéma devient parlant, Gilbert, qui est alors le plus grand des séducteurs, va découvrir en elle plus séductrice que lui. Pour l'amour de la divine Garbo, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.